Un vrai zouf. Est-ce que ça me fait rire un zouf? Hey, ça, c'est un zouf. Tu sais, me semble que quelqu'un qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, oh Hitler. Oh Hitler, lui, c'est un vrai zouf. Crise Belle de zouf. opinion. Merci à tout le monde qui nous rajoute sur Twitter, c'est @lepbonheur. Et il y a des gens qui nous ont rajouté encore une fois cette semaine, du nouveau monde, donc je voudrais remercier Claudie Cyr, une demoiselle qui s'appelle Janice. Merci. On a le podcast Le Shower qui nous a rajouté, Junior yes. Raymond, Alain Williamson, les Sobert. Bienvenue aux Sobert du caractère mou. Cette semaine, sûrement une meilleure semaine que la semaine passée. Parce que je suis pas désagréablement chaud. Et on a un invité, Babu. Ah, planche! Est-ce que ça me fait rire? Je sais même pas comment qu'il parle, genre, je me souviens plus. Moi non plus! Je pourrais même pas te faire une imitation de merde de Babu, je me souviens même plus. Moi non plus! Tout ce que je me souviens de lui, c'est les affaires à Musique Plus de. Tu sais, c'était quoi des. Pour les soutelettes, là, il faisait Big, big, big winner! Big, big winner! Je sais pas trop quoi. Pour celui qui avait, mettons, ouais. Il allait un truc de ski, puis il spottait le saut le plus laid, là, tu sais, mettons, orange avec des poids ou je sais pas quoi. Mais ouais, moi, je check dans les dans les followers du Petit Bonheur, voir s'ils ont un lait sobert, juste pour être sûr que je suis pas faussement insulté pour rien. Contexte, à chaque mercredi, ils vont faire comme un shout-out à leurs nouveaux followers sur Twitter, puis je les ai suivis avec le compte... des sorbets, dans le fond. Puis, fait que là, en lisant, ils ont dit les sobert. Là, c'est-tu Chuck qui lit mal ou s'ils ont vraiment, quelqu'un qui s'appelle les sobert. Puis, s'il existe, je vais aller le follower. Ouais. Genre, c'est des frères de sang, là. Ouais. Ou si, quel mauvais nom, les sobert. Ouais, c'est ça. Come on. T'es qui, toi, les sobert? Force-toi. Ouais, t'es un quoi, un gros con? Gros con. C'est comme les. C'était pas une bande dessinée, ça? Des vrais oufs. Comme Hitler, un vrai zouf. Un vrai zouf, celui-là, mais ne pas penser à son affaire. Hey, y en a pas mal des followers, c'est parce que c'est long, je sais que ça. Puis-tu, chante de quoi, je veux... Chante de quoi? Babi, bou, bou, bou, bou, bou, bou, babi. Nice. Ouais, c'est ça. T'as dit que scroller une liste de followers, c'est du très bon pas de nu à... pas de nu. Non, j'ai pas de nu à Comcast. Maintenant, du contenu à podcast, du pas de nu. C'est, pas de nu à Comcast. Quand c'est trop long, on dit contenu à podcast. C'est. Ah, et là, je pense que je regarde pas à bonne place en plus. Oh. Je suis dans. Je pense que c'est les abonnements. Ah, oh, Chris, je suis sur Reddit, désolé. Ah, oh, Chris, excuse-moi. c'est sûr que n'importe qui écoute ça, il fait comme tabarnak. Moi, si je vais aller, je vais faire d'autres choses en même temps. Mais là, je sais plus si je me suis trompé de liste entre les deux. Mais je veux pas arrêter de scroller, d'un coup, j'arrête. Calice. Oh. Ah, c'est ça, c'est un gros cocombe. On arrête là, des vrais ouf. J'étais en train de scroller les trucs des abonnements. Ben oui, esti, il y en a 400 quelques. Là, on va aller les abonner. Esti, désolé. Là, ça va donner meilleur. Bon, tu, et tu vois, il y a les sorbets. Là, c'est clairement les sorbets. Il y a nous autres. Mais je pense, il y a pas, en tout cas, il y a pas... À moins. Ah, Chris, check. Je vais chercher les sobert sur Twitter. S'il y a personne qui apparaît, les sobert. C'est peut-être ça qui fait que non. Ça chie le Wi-Fi pendant qu'on enregistre, hein. Vu que je prends tout le jeu à chercher sur Twitter des hosties niaiseries. Ouais, je pense que c'est ça, moi. Je pense que c'est, ouais. Parce que. Ben, c'est ça marche pas. Ça peut pas être autre chose. Je mange la merde, c'est... Bon, clairement, ils se sont trompés. C'est des caves. Ouais, c'est ça. Non, en fait, le scoop cette semaine, c'est Chuck du Petit Bonheur. Et dyslexique. Bang! Potin, esti. Ou un pot de teint. Un pot de teint. Potin de podcast. Hey, moi, j'ai fini ma liste la journée. J'avais Zouf pis Babu. Nice. T'aurais peut-être dû essayer de les disperser un peu plus dans l'heure et quart. Fuck, mais c'est énervé. Ah, je pensais que c'était tellement bon. C'est ça. Je peux pas me retenir. T'as-tu vraiment noté Zouf pis Babu? Non, ben, dans ma tête. Ok, c'est correct. Tu t'avais écrit. Aujourd'hui, j'ai reçu, c'est un spécial été. On entend sûrement mon fan. J'ai chaud. On n'entend pas toujours ton fan? Ah, là, c'est pire. Go, Mathieu, go! Non? Ok. Ah, ce fan-là! Mm. Bienvenue au Sober du caractère mou, cette semaine en manchette. Un fauteuil! Non, en fait, je suis tout nu, j'ai juste des manchettes. Nice! Voilà! Cette semaine, on est en manchette! Exact! Nice. Bon, ben, moi, je viens de finir la mienne. Nice! Ah, non, c'est pas vrai, c'était... solide! C'est un esti de bon épicaste. Non, ouais, mais... Ouais. Non, Un épicaste. C'est un épicaste? Un épicaste. Un podzode? Podzode. Un podzode. C'est nice, on dirait que ça tire des lasers. Aujourd'hui, le podzode. Non? L'épisode de la semaine passée s'appelait Pouline de Poitret. Puis Sarah voulait que je mentionne que c'est elle qui m'a dit cette série de mots-là, puis que je l'ai pas inventé, puis qu'elle voulait que je mette ça clair. Fait que. Je veux juste préciser que c'est pas vrai ce qu'elle dit, puis j'ai clairement inventé. Je suis le premier sur la planète à dire cette expression-là. Ouais, je pense aussi. Moi, je te crois. Je pense aussi. C'est... Ben, j'espère. Ouais. Faut tout prendre ce que je dis pour du cash. Tin. Ouais. Florent Bolland. Bon, Hey, toi, t'es allé à Poutineville tantôt? Ouais. C'était-tu le fun? C'était bon. Ça se mange bien? T'as-tu mangé de la poutine? Ben, mais je me suis... la plupart du temps, quand j'ai le goût de poutine, je vais à la banquise. Mm-hmm. Puis je prends la grande. Parce que t'as le choix comme... Non, t'as petite puis grande. T'as pas comme de moyenne. OK. Puis Poutineville, t'avais normal puis grande. J'étais comme... J'hésitais à prendre la grande. J'étais comme... Ah, parce que à banquise, je mange la grande à moi tout seul. Okay. Puis, bref, la grande, la normale est grosse comme la grande de la banquise. Fait que j'étais comme, OK, j'ai bien fait de pas prendre la grande. Mais c'est cool parce que tu peux faire ta poutine à Poutineville. C'est comme un Subway à poutine. Genre, ish. Mais c'est assis, c'est pas... Ben, tu crois que tu peux aller pour emporter à l'entrée. Ouais, non, c'était vraiment bon. Okay. Mais ils ont un truc, c'est genre... Parce que t'as le choix de frites, genre... frites normales, t'as les genres de quartier... T'as les patates douces, puis on ce qu'ils appellent les des juliennes, puis ce qu'ils appellent les patates écrasées. C'est genre, comme si, je sais pas comment ils le font, c'est genre, ils cuisent à moitié leur patate en quartier, ils crissent un coup de poing, puis ils refrient, genre. Comme ça fait comme tout pété, puis elle crispy as fuck, genre. C'est ça que j'ai pris, c'est vraiment bon. Mais ouais, c'était bon. J'ai hésité pendant 10 minutes entre la sauce à poutine normale et la sauce à spaghetti. Ok, là, ça... Ça a déconnecté. Tabarnak, ça va être dur à soir. Hey, je t'ai préparé cette semaine. Ce que je vais faire, je vais approcher le portable proche de la porte. Il va être plus proche de l'autre pièce avec l'autre hauteur. Hey, pourquoi tu fais pas ça dans la pièce avec la hauteur, gros sans dessin? Même là, on écoute des affaires dans le salon, puis on entendrait juste ça. Tu sais qu'on l'entend d'ici? Je vais m'asseoir à terre. Ça sonne comme un petit vlog tout croche. Bon, prise 2. Donc... Hey, là, je suis rendu assez à terre, là. Je m'approche tranquillement de la porte. Je vais peut-être pogner mieux le Wi-Fi, là. Nice. Donc, je disais, j'ai... Moi, la question qui a été coupée, tu parlais peut-être dans le bar, je t'entendais pas. Ben, c'est pas grave, je faisais rien que parler, fait moi, que... Moi, je te posais, y a-tu des frites frisées? Y a-tu des... Bon, ben, déçu. Ouais. Mais j'ai hésité genre pendant 10 minutes la sauce à poutine normale puis la sauce à spaghetti. J'aime vraiment trop les poutines avec la sauce à spaghetti. Ben c'est bon, mais on dirait que le gamble, c'est qu'il faut que la sauce à spaghetti de la place soit bonne. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, la sauce à poutine aussi. Mm. Fait que t'es comme obligé d'essayer les deux. Ouais, mais sauce à poutine, on dirait que c'est plus facile. C'est moins dur à... Ouais, j'avoue. C'est plus facile à pas manquer. Calice de... C'est moins facile. Elle est souvent meilleure. Ouais. Voilà. Ouais. Une mauvaise sauce à spag, ça te gâche ton souper. Une mauvaise sauce à poutine. Mauvaise sauce à poutine! Chris, c'est raciste, mais mauvaise sauce à poutine, ça va juste. On dirait que ça se tolère mieux. Tu sais, tu peux pas faire. Elle peut vraiment. Ah, tu sais, elle va pas goûter le cul, là. Ouais. Il y a vraiment des sauces qui font comme. Ben, j'imagine, si t'as des sauces à spaghetti qui goûtent mauvaise, tu devrais en avoir à poutine qui goûte mauvaise. Parce que c'est fait, Tu sais, on s'entend, tu sais, en frais d'ingrédients, tu peux avoir de la mauvaise viande, tu peux avoir des tomates qui goûtent un peu le cul, puis la sauce brune, c'est pas juste du brun. Du brun, ça s'achète, t'as jamais vu ça, un sac de brun. Oh, il manque de brun, mais une 6 cuillères à soupe de brun, je pense. C'est pas le même que ça marche? Chris va chier du brun, il va en manquer au match la soir. On est... Ah non, désolé, monsieur, on a plus de brun. Ah, tu vous as des oufs! Je viens ici de manger mon brun, pas de brun. Ah, excuse, babu. Oh. Oh, c'est vraiment pas à la planche. Ah, ok. Je sais pas comment il parle, babu. Non, mais... Il a vieilli depuis que... Il me semble, je l'ai pas vu à la télé de... Mais il a pas fait une émission d'auto. Ouais, ils ont pas genre pimpé le char à Normal Amour à un moment donné, je sais pas quoi. Là. Ouais, je pense. C'est, ben, il doit faire de la radio maintenant, je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Il doit être plate en esti sa chronique sur les sautelettes à radio, par exemple. Ouais. Hey, checker lui! Vous le voyez pas, mais... Il est au rock, la planche, il est vert, avec des pois mauves, il est let à la planche. Il est au rock 100.9. Ok. Ah hey, mais j'hallucine dessus, c'est vraiment babu à la planche, c'est quelque chose. Ben oui, c'est quelque chose. C'est une émission. Parce que... Mais Reg, pas Reg la planche aussi. Hey, t'as raison. Fait que juste pour ça, je me mélange dessus ou c'est un des. C'est-tu un lien entre les deux? C'était-tu un show des deux? Ah hein? Ben peut-être. Ben les deux, c'est la musique plus. Ouais, c'est ça, mais c'était-tu comme un duo? Je pense pas. Parce que là, ils sont-tu comme copiés entre eux? Genre, n'as-tu un qui a fait comme hey, à la planche, c'est bon ça? Mais Babu à la planche, c'est pas genre une affaire de skate. Danny Bernier. C'est-tu vraiment son nom de famille, Reg? Reg, je sais pas, mais Babu, c'est Danny Bernier son nom. Ah. Mais Régent Laplanche, c'était vraiment son nom de famille, Laplanche. Ok. Fait que. Ok, ah non, Babu à la planche. Non. De son vrai nom, Régent Claveau. Ah. Tu parles avec Pierre Claveau, tu penses, le directeur dans Radio Enfer? Peut-être. Ok, il est mort. Isabelle Desjardins, penses-tu que c'est son vrai nom? Qui est mort? Pierre Claveau. Aïe, t'es pas au courant? C'est qui lui? C'est le directeur de Radio Enfer. Le directeur dans Radio Enfer qui mange des glaisettes pis arrête pas de dire superbe! Oh, il est mort en 2004. Hein, je m'en rappelais même pas. Fait que. Oublie ça, le reboot de Radio Enfer que t'attends tant, là. Oh, c'est tellement mauvais en plus, j'ai réécouté un épisode dernièrement. Hein. What? Alors, en fait, Non, Radio Enfer, je trouve que ça a bien vieilli pour ce que c'est. Oh non, non. Oh oui. Oh non. Oui. Oh, ça, puis Galaxy près de chez vous, là. Faut... Ça... Ouais, j'ai voulu... Ouais, faut faire que j'y réécoute. Ça fait trop longtemps, c'est pas frais, là. Oh man, ça fait mal. C'est douloureux. Mais j'arrête pas de caler le truc de dans le dernier épisode, là. Tu sais, on va la trouver, la maudite planète. Planète. Genre, je pense que c'est le seul gag que je me souviens que je vais répéter pour aucune raison, là. À chaque fois, je pense, à chaque fois que j'entends le mot planète. Ah, moi, moi, ce qui est, aussitôt que j'entends, genre, dans ce gag près de chez vous, je pense à l'épisode de jeux vidéo. C'était quoi, déjà? Ouais, quand tu meurs, tu meurs. Puis il y a un chevalier, puis... C'est bon, hein. Je pense que je l'ai jamais vu. Man, t'es pas tout écouté? Ben, sûrement, au nombre de fois qu'ils sont passés en reprise, mais celle-là me disait absolument rien. Je sais pas si ça se trouve sur les internets dans une gare, c'est pas de chez où. Il y avait des torrents, mais il me semble que quand j'avais essayé de les trouver, il y avait pas de seed. Fait que, ils sont en vente chez Archambault. Ouais, sûrement fucking cher. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Quand j'étais allé chez Archambault, il y avait pas de seed. Je télécharge rien illégalement. J'ai pas dit mot torrent, j'ai dit Thomas. Je suis pas un zouf. Ouais. Je suis pas un zouf, moi. Hey, parlant de zouf, ces temps-ci, tu sais, le beurre de peanut craft avec les ours. Ouais. Leur slogan, c'est ça colle entre nous. Mais du beurre de peanut, ça colle pas. Ben. C'est pas collant, là. C'est comme gras, mais c'est pas. Tu sais, mettons, tu vas déjeuner. Ben, t'as ça colle sur le palais. Truc. Ouais, mais. Tu sais, t'en as ses doigts, tu l'essuies. Ça va juste sans ces pinottes, mais ils sont pas collants, tes doigts. C'est pas comme si tu manges, tu sais, la grenache, le caramel, là. Ça colle entre nous, c'est du fucking caramel. Ma peau spread, ça colle entre nous, fucking patente à l'érable qui colle. Beurre de pinottes, ça colle entre nous. Ça colle entre nous, des oufs. Des vrais oufs, esti. Quoi, t'es-tu pas d'accord, là? Tu trouves-tu que ça colle? C'est moi qui est fou. J'ai-tu des doigts, non, Chris, comme, ça, non, ça colle pas. Je suis l'équivalent d'une araignée qui est pas capable de se coller sur sa propre toile, mais moi c'est le beurre de peanut. Toi ça colle, tu dis Chris, t'as-tu fini de beurrer ta toast pis ton couteau il te reste collé sur la main, Puis là, tu fais comme, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Petite barre de pinotte, hein? Oh, ça colle! Il reste collé sur ma toast. Hey, c'est bien fait. Hey, tout est collé, man. C'est vrai, c'est vrai. Là, t'es obligé, que... genre, de nibler sur tes doigts parce que ta toast est collée sur ta main. C'est vrai que si je pense la toast, ça tombe pas à terre. C'est vrai que ça colle un petit peu. Bon. Bon point! Je m'excuse, voilà. Kraft. Bon. C'est du sarcasme. C'est de la stimale. Hey, check l'autre, là. Tu l'as... Ah, c'est ça, tu l'as dit en majuscule? Ouais, moi, je parle en Marie-Chantal Toupin. On peut même plus faire l'amour! Non, c'est pas vrai, on peut plus baiser. Quand je fais mon rock'n'roll! Je pourrais même pas te dire qu'est-ce qu'elle a chanté à part... Ouais, on peut plus baiser. Les chums de filles, là. Non, mais la fin, on peut plus baiser sans se protéger. Ben, un peu, Chris, elle sait pas le faire avec n'importe qui, avec quelqu'un de confiance, grosse conne. Ouais! C'était pas que tu pouvais avant, c'était aussi risqué avant. Non, mais c'était aussi risqué avant. Ouais. C'est pas plus risqué aujourd'hui, ça a toujours été risqué jusqu'avant, le monde était sans dessin. C'est le sida, là, qui est plus là qu'avant. Non, ça, c'est avant, on l'avait pas vraiment. Avant, Chris, elle est née à quelle année? Ouais, c'est ça, elle. Je peux pas faire l'amour comme dans les années 70 quand j'avais 10 ans. Voyons. Oh mon nom. Marie Chantal. Décroche. Aussi lâche le caps lock, esti. C'est pas un mode de vie, le caps lock. Non, surtout pas avec des échanges de gens. Tu connais pas. Non. Trafic humain. Scoop cette semaine, l'échange de gens de Marie Chantal Toupin. Hey, j'ai une surprise. Non, oh. C'est pas une surprise. Parce j'ai que... pas bu! Je l'ai décidé. Ouais, la planche! Non, Hey, man, viens voir mon auto! Excuse-moi, Babu. Excuse-moi, Danny. Hey, cette semaine, critique musicale! Oh, oui, c'est vrai. J'ai pas de. En fait, ouais, mais. Ouais, j'ai pas de thème. Chronique musicale! Ouais. C'est ça. Ça, c'est le thème. Ouais. Tu sais que, il y a pas long... Je pense que ça a lancé la semaine dernière. Rick Astley a sorti un album. When I was a boy, I saw my daddy crying at the steering wheel. And oh, it made me feel so scared. Qui s'appelle 50. Parce que... C'est une référence à Adele qui a sorti un album qui s'appelait 25. Là, Rick Astley a 50 ans. Fait que 50, c'est clever en tabarnak là, comme titre. Ok, il est deux fois meilleur que lui d'Adele, j'imagine. Ben, j'ai pas écouté lui d'Adele, fait que je peux pas faire de comparaison, mais celui d'Adele, il est sûrement plus sa coche que le sien. Hein. Ah ouais, c'était pas bon? Ben, hey, je t'ai dit que je t'ai introduit ça bien, mais j'ai déjà volé le punch que j'étais pas satisfait. Non, mais Rick Astley, c'est un peu un... Ben, tu sais, c'est le gars de Never Gonna Give You Up. Je pense que tout le monde... Extrait. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Si vous savez pas, bah, bref. Il avait pas sorti d'album depuis genre... D'album officiel de ses tunes depuis 2001 ou 2002. Puis il avait sorti un album de cover genre en 2006. Puis il était sur le bord de sortir un album en 2013, si je me trompe pas, qui a pas sorti officiellement, mais qui est comme, il est quand même sur internet, puis il est out there. Il est comme, c'est pas clair s'il a été cancellé ou... Okay. Je sais pas pour quelle raison qu'il l'a pas sorti, mais là, il a sorti officiellement son album 50, puis hey, tu sais, je l'ai précommandé, là. Parce que si tu le commandes sur son site, à lui... Tu peux l'avoir autographié. Nice. Fait que là, j'ai son dernier album autographié. C'est quand même nice. Ouais. Puis, c'est un... Rick, c'est un peu... C'est semi une joke que j'aime ça. Puis pas tant non plus, parce que j'ai... L'album qui est sorti, c'est-tu en 2001, 2000, peu importe, mais Keep It Turned On, qui est comme... C'est du pop tellement trop... C'est trop clean, bonbon, mais assez catchy pour pas que ça me dérange. Ouais, genre, tu l'écoutes un peu ironiquement, mais finalement, t'aimes ça, là. Moi, ouais, c'est cocasse. On se fait comme, tabarnak. J'ai passé la journée à chantonner toutes les hosties de tunes, puis c'est des tunes, mettons, dans une playlist de si je vais courir. Il y a des tunes de ce disque-là dans ma playlist, puis je les skip pas s'ils viennent quand je cours, mettons, là. Ouais. Tu sais, ils ont une place permanente sur mon iPod, puis s'il y a une rotation, je fais pas comme, ah, oh, Chris, pas Rick, là. À part peut-être les 2-3 tunes slow qui parlent trop d'amour aux poches, là, mais... Les tunes catchy pop, c'est con, l'amour! Là. Non, mais c'est parce que des fois, t'es pas dans le mood, tu tunes au ralenti. Ouais. Mais non, puis j'avais quand même aimé son album pas sorti de 2013 qui s'appelait My Red Book, qui était quand même comme Chris, pourquoi c'était pas sorti? C'est quand même... Tu sais, c'est un bon petit album, là, c'est agréable, puis... Il y a deux tunes de cet album-là qui est pas sorti, qui a remis sur l'album 50 qui est sorti récemment. Il s'est comme changé juste assez pour que j'aime pas ça. Chris, j'étais habitué, là. Tu sais, je sais pas. Ouais, ça, c'est moi, là. Ce que je vais lui donner, c'est que, de ce que je comprends, il fait tout son instrumentation lui-même. C'est un mot, ça? Mais tu sais, il joue tout. Fait que le drum, guitare, c'est ça. C'est quand même, je respecte ça beaucoup. Ouais. C'est pas juste un interprète. De la misère avec ça, un peu juste du monde qui se font écrire des tunes. J'aime moins ça. C'est peut-être moi qui est piqué, là. Mais c'est parce que il y a comme une perle dans... La dernière tune, là, c'est comme un... Faut que je te fasse écouter le bout de la dernière tune. C'est l'affaire la plus ridicule. Je comprends même pas comment volontairement tu mets ça pis que c'est pas une joke, là. Non, tu vas mettre ça dans le bon temps, là. C'est peut-être une joke. Rick Astley, c'est sérieux. Bon, ça, c'est juste le refrain, là. C'est smooth, hein? C'est la dernière tune, là. On part sur un punch. Ok, c'est calice. Bon, je l'ai pas scrollé à la bonne place, là. C'est pas long. J'espère que c'est pas long. So let it be tonight that we make up and we rid ourselves of all this confusion. Let it be tonight that we wake up and we commit to make it a resolution. Ah, c'est du gros tattoo. Ben, c'est pas de tattoo, c'est comme une voix robot, genre. Ouais, mais c'est... Tu sais, c'est genre Daft Punky. Ouais, ouais. Mais genre, c'est quoi ça? Pourquoi tu mets ça? Moi, j'aime ça. Oui! Ben là, c'est pas censé être triste, là. C'est ridicule avec la petite voix de robot de... Eric qui fait un speech sur la vie avec son petite voix de robot en arrière. Regarde, je le fais, là, quand même, par-dessus du piano triste, là. Ah, tout. Je savais, le soir, on était vêtus comme des renards dans l'allée derrière... Devant, avec les poils partout hérissés, le vent soufflait, les sapins, les daims couraient, les fleurs. J'étais vu, j'ai dit ouais, et non, enfin oui. Ok. Mais je pense que ça, c'est du vocoder, je pense. C'est ça, l'espèce de... Ah, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, mais... En tout cas, ouais. Mais on parle d'autotune. Pour vrai, je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus déçu. Il y a de l'autotune dans cet album-là. OK. C'est comme un... Ça a l'air d'être un... Tu sais, il y a beaucoup d'albums de western, moderne qui en mettent. Ouais. Je comprends pas trop, mais... Tu sais, fuck, Rick Astley sait chanter, hein. Tu sais, s'il y a de quoi, c'est bien sa voix, son petite voix deep, puis il chante bien. Genre, pourquoi tu rajoutes de l'autotune par-dessus? En plus, si t'as le contrôle vraiment sur tout ce que t'es en train de faire, pourquoi tu rajoutes ça? C'est un choix artistique. Fuck you, choix artistique, là. C'est ce qu'il voulait, man. C'est bon, mais non, à part de ça, ben, c'est correct. J'ai pas, pour vrai, j'étais déçu parce que je trouvais que l'album qui a pas sorti était meilleur. Ok. Puis je m'attendais à ce que cet album-là soit comme à peu près à ce niveau-là. Puis finalement, j'ai trouvé que entre les tunes plus fortes, les tunes moins fortes sont vraiment dull. Elles sont longues, puis je sais pas. Ok. Mais c'est pas une super bonne critique, parce que je l'ai écouté comme deux fois. Ouais. Puis un album, t'sais, peut-être qu'au bout de cinq fois, je vais pleurer. Peut-être que la voix robot à la fin, ça va tellement me rentrer dedans. Ça va? Ça va résonner avec ton âme, hein. Là, je vais m'écrouler d'un coup dans le métro. Tu vois plus, genre, tu pleures. T'sais, tous tes sphincters se relâchent. Je commence à pleurer à Saint-Henri, je me rends Henri Bourassa en pleurant à genoux. Maman, le monsieur, il a fait pipi. C'est tellement beau! Mais ouais, fait que Rick Astley 50, il est pas sur Google Play All Access. Je fait qu'il doit pas être sur Spotify non plus. Hey. Attends. Check donc, parce que pour lui, il est pas sur All Access. J'ai été obligé de la rajouter à la mitaine. On va dire ça maintenant, je suis certain qu'il l'a parce que on est meilleur sur Spotify. Fuck Team you. Spotify! Fuck you, vous avez pas eu Radiohead avant genre la semaine passée. C'est quoi le nom de l'album? 50. Ah oui. Je sais que c'est beaucoup de chiffres à retenir, je m'excuse. Non, j'ai juste la tune Angels on My Side. Puis Keep Singing. Ah, tu vois, c'est ça. Sur Google All Access aussi, c'est ça. T'as juste les singles. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois. Mais je me demande sur Spotify, tu peux-tu rajouter ta propre musique? Oui, mais je suis pas sûr de comment ça marche. Parce que tu peux faire une... T'as des local files. OK. Ouais, je sais pas si ça les partage entre tes PC qui l'ont, genre. Je suis pas sûr. OK. Parce que pour moi, c'est pour ça que je change pas de Google Music. Juste le fait que je peux importer ma librairie. Parce que j'ai un paquet de musiques qui sont pas sur ces services-là, normalement. Ou tu sais, des trucs un peu plus bootleg ou des albums pas officiels, des trucs de même que j'aime ça pouvoir accéder, surtout à la job. Fait que je trouve ça le fun de tout avoir là. Puis j'aurais peur, mettons, si je fais un switch à un autre service, à Apple Music, ou ben, je pense à Apple Music, tu peux le faire, mais ou Spotify, de perdre cette espèce de côté-là. Mm. Mais en fait, le seul défaut, Google Access, ça marche super bien, puis importer la librairie, mais Chris, que c'est mal chié, là, pour... tu sais, genre, ça va importer tes affaires, des fois, ça va doubler ta musique. Ouais. Fait que là, ça l'importe, mais ça te met aussi l'album qui est sur leur serveur. Ça fait pas le lien que quand c'est 12 tunes avec le même nom, puis le même nom d'album, puis le même nom d'artiste, que c'est la même chose. Fait qu'ils te les mettent toutes dans le même album, puis là... Ils ont sûrement pas le droit de toucher à tes fichiers. Ben, qu'ils le disent, genre, tu peux sûrement... Ils vont les flaguer. C'est ça, ils ont sûrement un système pour les flaguer, tu fais comme, oui, c'est des doublons, merci, décale les gens. C'est pas... je comprends que, tu sais... S'il y a une façon facile de les enlever, mais là, faut que tu passes comme album par album... Ouais. Tu sélectionnes avec. Tu tiens shift, t'en cliques plusieurs, tu fais delete. C'est du gros caca. C'est ça, c'est pas super. Puis la façon d'importer les tunes, c'est pas clair, puis c'est pas bien fait. C'est sûr que t'as un petit programme à l'ordi qui est un peu sucky, qui va tout importer one shot, fait que ça crée des doublons. Ou tu le fais à mitaine, mais ça, faut que tu le fasses juste dans Chrome, puis juste avec leur plugin. Puis ça marche comme une fois sur cinq. Là. Je l'ai comme. Justement. L'album de Rick Astley, j'ai essayé de le rajouter sur Google Play, puis là, je viens de voir, il a été rajouté. Ouais. Parce que je l'ai un peu forcé tantôt en le draguant dans la fenêtre comme au moins 12 fois. Mais tu sais, ça, je l'ai fait la semaine passée, puis tu vois, c'était pas rajouté avant il y a 10 minutes, là, de ce que je vois. Okay. Là. Fait que c'est pas... en tout cas, mais au moins, je sais pas, je suis pas vendeur, là. je sais pas s'il y a vraiment un gagnant maintenant dans les services de stream de musique. Ouais, sur Spotify, là. Ouais, parce que pour moi, Spotify, il y a plein de plus. À part les fichiers locaux, c'est genre tout ce qui est suggestion puis trouver de la musique, c'est vraiment bien fait. OK. Comme Google Music, tout ce qu'il y avait, c'est genre, tu peux faire une radio d'une tonne, mais ça, au final, ça te remet toutes les 10 mêmes tonnes, on dirait. Ouais, ça, c'est vrai. Puis Spotify, chaque lundi, t'as une playlist, genre Discover Weekly, qui font selon ce que t'écoutes. OK. Puis, pas mal chaque semaine, j'ai tout le temps au moins un nouvel artiste à écouter à cause de ça. Genre. Ok, c'est nice. Ouais, c'est quasiment bien fait pour ça. Mais moi, je suis pantoufle là-dessus. Genre, je vais souvent écouter ma propre musique puis mes affaires. Puis, je suis lent à découvrir d'autres choses. Ok, ouais, fait moi, j'aime ça. C'est un de mes trips. Ok. De chercher ça tout le temps. Fait que pour ça, ça va bien. Mais c'est sûr, si t'aimes pas ça, faire ça. Non, c'est pas que j'aime pas ça, faire ça, mais c'est moins. C'est pas quelque chose que je recherche tout le temps. C'est plus un mood qu'un moment donné, je vais faire comme « Ok, Chris, là, cette semaine, j'ai envie d'écouter d'autres choses puis de décrocher de mes affaires que je connais. » Ouais. Mais souvent, je vais revenir à mes affaires parce que je veux un truc précis puis je sais un peu ce que je veux. Là. Mm-hmm. Checker ma liste, j'ai d'autres choses, je suis certain. T'as-tu vraiment passé ta liste avec Babu puis... puis Zouf? Non, j'ai d'autres trucs, mais pas d'attendre. Fais-en donc un autre truc. Ah oui, j'ai une question louche. Oh, tabarnak. Question louche. Question louche de Mathieu. Question louche de Mathieu. Man. OK. On va élaborer la question puis tout, mais ok. Tu sais que ta blonde c'est un extraterrestre, mais personne d'autre le sait, autre que elle. Tu fais quoi? Ben là, t'as le dit? Ou tu le découvres? Parce que si c'est la seule personne qui le sait, tu t'en calisses, tu le sais pas. Non, mais elle te le dit, mettons. Ok. C'est-tu le genre de situation que tu l'apprends? Tu sais, c'est elle qui t'a. Mettons, t'es-tu assis sur le divan avec elle, puis elle te le dit? Ouais. Ben, on peut faire différents scénarios. Ok, ben, comme, ok. Elle est vraiment ouverte, cette question. Ouais, ok, bon, on va commencer avec cette option-là, puis on verra après les. Dans, ouais. Mettons, la découverte. C'est ça, elle te le dit. Elle te le dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis un extraterrestre. Elle dit-tu? Ouais, c'est ça. Je suis un extraterrestre. Ouais. Là, c'est rendu, tu te rends compte, elle parle Aang comme ça, fait que tu sais que Rick Astley aussi, genre, soit que c'est un extraterrestre ou quelque chose, ou c'est genre sa blonde, quelque chose, genre, pis c'est. C'est une parole d'une autre langue, en fait. Ah, oh, c'est ça. Ouais. Ah, oh, Chris. Ben, ok. Mais. Ben, j'imagine, rationnellement, la première affaire que tu vas penser, c'est Chris de folle. Ensuite, don't put dick in crazy. Puis après ça, faire un face palm. Mais dans une situation ben où non, ça serait... Mais, non, ben là... C'est ta vraie blonde, là, ben oui, non, c'est ça, mais oui. Mais rationnellement, tu vas... Je veux dire, même, tu sais... Ah non, mais ok, elle te le dit, puis c'est vrai. Ben oui, je sais, mais toi, tu sais pas. Ouais, mais ok, ça vaut être la vérité, tu sais, si elle elle te le prouve. Ok, regarde, là, puis là, je crois... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des tentacules? Je sais pas, elle se transforme, ou ben, elle se téléporte, ou... Fuck, hein? Serais-tu capable de rester avec? Ben, c'est un peu cool. Non? Oui, mais en même temps... Ben, moi, qu'elle me dise... Elle t'a caché ça, mais peut-être que tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ben, elle peut pas faire en autrement... En même temps, ça devient un peu raciste, genre... Ouais, ben, tu sais, elle peut pas faire autrement que de le cacher, là. C'est ouais. Un peu... mais oui, ça viendrait raciste, un petit peu. Ouais, parce que t'es comme... Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, eux, mais... En même temps, c'est un... Alors, ils mangent... Clairement, ils mangent la même chose que nous autres. Mais tu sais, si elle dit extraterrestre, mais tu sais, ça dépend d'où est-ce qu'elle s'en va après ça. Tu sais, elle va-tu dire « Je suis un extraterrestre, mais j'ai quand même des sentiments, puis tout ce qui s'est passé, c'est vrai, ou je suis un extraterrestre, puis tout ce qui s'est passé, c'est une simulation, puis c'est faux? » Non, tout ce qui s'est passé, c'est vrai. OK, ben, c'est quand même, j'allais dire la même personne, mais c'est pas une personne, mais genre, ouais, c'est la même entité. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas... Je pense que ça dépend pas du fait qu'elle serait un extraterrestre, mais plus du fait que qu'est-ce que ça implique. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire que... Tu sais, c'est une extraterrestre, puis que c'est tout. Tu sais, il y a comme... Regarde, je sais pas, je suis parti, puis je veux être humaine, ou je sais pas quoi. Là, mais tu sais, c'est pas comme... Ah, je suis une criminelle recherchée dans la galaxie du Zwabuk, puis ben ils me cherchent, puis là je te le dis parce que ils ont su que j'étais sur la Terre, fait que ça se peut que ça brasse. Tu sais comme ouais, c'est trop vague comme question, ça marche pas. Ben, désolé. Ben chance, ouais, ben il y a moyen de trouver un spot précis. Tu ferais quoi toi? Ben comme tu dis, ça dépend. Ça dépend trop. Mais je serais tu sais c'est la même entité. Dans ma tête, je serais game de continuer la relation. Si on sentait que ça fait longtemps puis que tout ça, mais mettons, vrai. Elle dit, ok, c'est vrai, mais elle dit, c'est la première qui fait ça, ils savent pas qu'est-ce qui peut se passer ou quoi que ce soit, si tu peux mourir ou elle peut mourir, des trucs de même. Genre. Ben, jusque-là, t'es pas mort? Ben, non. Puis tu dois avoir fait certaines choses. Jouer au bridge? Ouais. Fait que si t'as joué au bridge, t'es correct. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Ok, c'était plat, ça. Non, mais c'est intéressant, mais je pense que ça prouve juste qu'on est quand même ouvert d'esprit. Ça le prouve. Mais si elle dit qu'elle est noire... Oh là, c'était pas qui. Oh! Tabarnak, non, ça là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je m'excuse. Pas vrai. Moi, je dirais juste tant que t'es pas chinois. De toute façon, hey, c'est audio, un podcast, là. Je suis peut-être noir, moi aussi. Ah, je suis sûr, t'allais faire un accent. J'ai comme. Non. Au pire, s'il y a quelque chose de raciste qui sort de ce podcast-là, il m'a dit que c'était babu. Hein. Moi, c'est ça. Ah, planche! Okay. Yes. Ben, tu savais pas, il est rendu imitateur. Ouais, il est imitateur. Hein? Babu, ben oui. Babu Rancourt. Salut, c'est Babu. Pareil que moi, man. Salut, c'est Babu. Laissez-moi un message. Je sais pas pourquoi j'ai... Hey man, cette semaine, je pense que je te l'ai dit, j'ai découvert que j'étais abonné à Amazon Prime. Ouais, tu m'en as parlé un peu. Je commande de quoi? Là, je fais... Là, je vais 2 jours, ok. Là, je fais... Ça ship. Là, je suis comme... Chris? C'était marqué Prime à côté, puis ça passait. Fait que là, je vais voir sur mon compte, puis je suis abonné depuis décembre passé. C'est combien déjà un abonnement par man, mois? Man, c'est 80... Non, pas... c'est un an, c'est par, 90. Par année, oui. Ok, 90. 90, tabarnak. Man. Mais j'ai cherché ma carte de crédit, puis il n'y a jamais eu de transaction de ce montant-là, genre, je comprends pas. Ça peut pas être un autre trial? C'est pas un trial, encore? Non, c'est un an, c'est... Bon, je comprends pas, là, c'est... Mais bon, je vais continuer à l'utiliser. Mais on s'entend, au Canada, c'est la plus grosse marque qui a jamais existé. Ah, c'est ridicule. C'est juste pour du shipping. Ça, c'est un prix ridicule pour rien. Tu sais, ils ont Amazon, pour quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils ont des trucs de vidéo, puis des... Ouais. Un paquet d'autres affaires, puis des... Tu sais, jamais je créerais qu'ils ont pas le... C'est vraiment genre... Tu sais, dans le sens, c'est vraiment une limite purement là pour que tu payes Amazon Prime. Le shipping plus lent, là. Comme ouais. Ça, ils peuvent te le shipper vite, même si tu payes pas Prime. Mais le pire, c'est que j'ai pas... tu sais, depuis que c'est là, ils disent « Ah, oh, là, ça, c'est moins rapide avec ça. » Mais pour vrai, pour moi, c'est toujours rapide à date. Là. C'est sûr qu'à Montréal, c'est plus simple que, mettons, en région. Mais, mettons, je commande un dimanche, je l'ai le mercredi souvent. Ouais. C'est 2 jours encore. C'est pas plus lent, puis c'est... Ouais, OK. Moi, je l'ai... Là, en ce moment, j'ai commandé de quoi mercredi, puis jeudi, je l'avais. OK. Ça, c'est quand même nice. Ça vaut la ouais, peine, 90$ pour ça. Non, je vais pas leur payer, mais là, je suis content que je l'utilise. Ouais, tu vas profiter pour ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai des affaires à commander, on va passer par toi. Ouais. Ça vaut la peine, surtout que ça va prendre une semaine avant qu'on se voit. Fait que tout le délai que j'ai sauvé, je le sauverai pas. Ouais, c'est ça. Ça va prendre 2 fois plus de temps. Hey, tu sais, dans ma liste, j'ai... Tu sais, du monde qui disent... C'est quelqu'un qui demande, t'as-tu le temps de faire ça? Puis la personne répond comme... Non, parce que moi, j'ai une vie. Ouais. Qu'est-ce que c'est dick dire ça? Ouais, Chris, oui. C'est dans les affaires les plus dick, je pense. Mais t'as-tu déjà entendu quelqu'un le dire sérieusement? Je pense que oui. Oui, tu sais, comme... Oui, je pense que tu peux le dire avec un... En joke... Si tu dis en joke, ça passe parce que tu sais que c'est con, puis tu vas faire comme non parce que j'ai une vie. Ouais. C'est quand tu sais clairement que c'est ça, que les deux savent que c'est parce que ça te tente juste pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Il me semble que j'ai entendu du monde dire ça pour vrai, comme tabarnak, c'est gros manque de respect. Fuck you. Bref, c'est ça. J'ai pas tant d'opinion là-dessus, plus que ça. Ouais. Quelque chose qui m'a frustré cette semaine, les affaires de Pitbull. Ouais, ça c'est... Ah, oh, Chris! C'est... plate. Ben, pis là, il est banniste à Montréal, là. Ouais, j'ai vu ça. Pour septembre, mais... Ben, banniste, c'est... t'as plus le droit d'en acheter, je pense. Ceux qui l'ont, ils ont des règlements plus serrés. Mais c'est tellement l'affaire la plus tarée, là. Genre, ils ont consulté rien. Genre, aucun vétérinaire, aucune SPCA, pis tout. Ils sont allés purement sur une femme qui est morte à cause d'un pitbull. C'est tout ce qui... C'est genre, c'est quasiment juste ça qui a déclenché ça pis qui a fait qu'ils l'ont fait. Mais... C'est taré parce que, genre, si tu checks, il y avait un article de la presse d'un... C'est genre un blog d'un des journalistes qui disait genre, ah, j'allais écrire un article pour prouver que c'est vrai qu'ils sont méchants, mais il y a aucune donnée, genre. Tout ce que ça dit, c'est en gros, c'est que ils ont pas les morsures les plus fortes. Ils sont pas plus agressifs que les autres chiens. Dans le sens, un chien, c'est... Tu sais, c'est un animal. Il y a aussi le point de vue que le monde passe des fois que c'est assez des meubles. Ouais. Genre, Chris, non. Là, ça a plein de besoins. Mais c'est ça, c'est... Ça ouais, m'énerve. Moi aussi, je suis plus team mauvais maître que mauvais chien. Là. Ouais, mais c'est un mix des deux. Il y en a des mauvais chiens, mais... Ben oui, c'est sûr, mais... Ouais. Puis tu sais, mais un truc frustrant aussi, c'est que toutes les données, comme de quoi, c'est genre les attaques de pitbull, c'est reporté par les personnes qui sont faites mortes, puis il n'y a aucune preuve sur la sorte de chien. Puis ceux qui sont capables de voir, c'est genre quasiment 50% de temps que c'est pas vraiment un pitbull. OK. C'est juste parce qu'il y a personne qui sait c'est quoi exactement un pitbull, là. Quasiment. Ben moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était des bulldogs. Ouais, c'est il y a ça aussi. Les petits chiens, les petits ouais. Chiens plissés, là. Dans ma tête, c'était des pitbulls, puis ça m'a pris du temps avant de faire... Ah non, c'est-tu que ça... Ah, oh, mais en plus, il y a la coloc, l'ancienne coloc à Lucie, elle a un pitbull, puis c'est genre un des chiens les plus gentils que j'ai vu de ma vie. Ben non, c'est elle, sûr. Hein. Elle nous liche, puis elle se couche sur nous autres, puis elle joue, puis... Tu sais, elle fait pas plus mal qu'un autre chien. Là. Ma sœur, elle a un labrador, là, puis elle m'a autant mordu que l'autre, là, dans le sens que c'est quand il joue, des fois, ça mord, puis... Mm-hmm. S'ils ont un os ou des trucs de même, ils vont te mordre si tu y touches. Dans le quartier ici, il y a deux pitbulls souvent. Ben, il y en a peut-être plus, mais deux que je vois souvent. Puis tu sais, ils ont de l'air super. Ils ont de l'air super bien domptés. Puis ils ont pas. J'ai jamais entendu de problème avec ces chiens-là. Je les entends même non, pas japper. En fait. Ouais. Puis je vois absolument pas comment on peut. C'est pareil que du racisme. Dans le sens. C'est juste prendre genre deux, trois événements. Puis dire, genre, généraliser ça à toute une race. Puis, genre, rien checker de données, juste y aller, genre, comme ça, avec la peur de tout le monde d'une espèce précise. C'est comme si, c'est comme, ah, je veux déménager, mon voisin est musulman, genre. Puis ça, c'est con, parce que ça va rien régler d'interdire, parce que tout ce que ça va faire, c'est que ceux qui vont, tu sais, là, j'imagine, c'est ça, tu disais que ceux qui ont déjà des pitbulls, ils ont un peu des droits acquis. Ouais, mais à Montréal, à Québec, en janvier, je pense qu'il faut qu'ils s'en débarrassent. Ok, c'est la merde, là. Hey, man. Mais, tu sais, ce qui va arriver, c'est que les gens honnêtes qui en veulent, ils vont faire comme Chris, moi, je risquerais pas d'avoir un pitbull parce qu'on n'a pas le droit. Mais les gens cons, ils vont en avoir pareil des hosties de pitbull. Ils vont, tu sais, ils sont déjà dans un mindset qui s'en calisse. Fait qu'ils vont... Ça va juste faire que tout le monde... Tu sais, ceux qui ont... Le monde qui vont avoir des pitbulls plus tard, ça va être juste les hosties de déchets qui vont sûrement encore, tu sais, un peu pas les mal élevés ou, tu sais, sans crisser, pour leur faire comme... Ouais, c'est ça. Ah, c'est donc cool d'avoir un pitbull parce que j'étais en camisole, puis c'est nice, puis c'est agressif. Mais tout le monde a cette image-là, genre... Mais c'est vrai, ça doit être, je suis sûr que toutes les maîtres des chiens qui sont agressifs, ils ont toute l'air de ça. Ouais. Généralisation. Ça, ou du monde pas, ouais, c'est ça, c'est pas mieux, là. Mais dans le sens du monde qui s'en crisse un peu pis qui ont des chiens pour avoir des chiens. Ouais, c'est ça. Sinon, si ils peuvent plus avoir de pitbull, comme un des arguments partout, c'est qu'ils vont avoir un autre chien agressif, là. Ce qu'ils veulent, c'est un chien qui a l'air violent pis qui jappe fort. L'année prochaine, les Doberman. Ouais, c'est sûr, man. Mais à Montréal, ils disent qu'ils checkent pour d'autres races de chiens. Mais ça, c'est taré, genre, comme... Mais il y en a de là-dedans des super bons, tu sais, les bergers allemands, c'est des chiens de police super, vraiment, vraiment gentils. C'est genre, oui, c'est plus agressif, puis c'est plus méchant, mais ils ont plus d'énergie, fait. Mm-hmm. C'est un peu normal. Ouais. Faut que tu prouves que tu sois capable de l'avoir, c'est ça qu'il faudrait. Mais en même temps, comment... Tu sais, il y a plein de monde qui ils font accoupler des chiens et ils te le vendent de même. Là. Je vois pas comment ils vont être capables vraiment tant gérer ça. Non, c'est ça. C'est exact. Ça pourra pas vraiment être contrôlé. Puis là, il y a la SPCA qui va comme prendre des mesures contre ça. Là. Ouais, ils essaient de pousser contre ça. J'ai vu ça vite. Je suis pas tant informé. Il y a aucune étude. Genre, je comprends pas qu'ils fassent ça. Ça affecte tellement de monde. Puis c'est... C'est genre, c'est une loi qui a pris tout d'un coup du monde qui ont peur pis qui connaissent pas les chiens. Ouais. Pis ça impacte tout le monde qui aime ça. Genre, c'est ça que je trouve wack aussi. C'est genre, c'est juste le monde qui aime pas ça contre le monde qui aime les chiens, genre. Tu sais, dans le sens, y a pas une personne qui aime les pitbulls ou ben qui aime les chiens quasiment qui vont dire oui à ça. Hein. Ouais, je sais pas. Tu sais, je suis pas mal sûr que c'est pas une personne à chien. Ceux qui ont passé la règle, c'est pas des personnes à chien pis ils essayent pas de comprendre un peu ça, genre. Fait que c'est des personnes à chat. Ouais. Calice. Ah, les chats. Ah, là, j'ai plein de chats, je peux pas. Moi, j'étais une personne à l'animal, point. Mais pour vrai, genre, on veut un chien, moi, puis Lucie, puis genre, je considère pour vrai un pitbull. Ouais, je me demande si tout ce truc-là va pas faire que tout le monde va avoir plus de pitbulls. Mais ça va clairement changer de quoi pour juste les chiens en général, je pense. Ouais. S'il y a moindrement une étude ou des trucs de même. Comme ça, qu'il va falloir, genre, ça serait bien qu'il faille. Mais l'affaire, tu sais, les dangers avec ça aussi, c'est, j'imagine, s'il y a un contrôle hyper strict, il va se perdre crissement des races de chiens. Ouais. Tu sais, c'est vraiment dur à avoir des chiens, mais il y en a beaucoup moins qui vont se faire adopter, puis ça a de l'impact en crise comme décision. On fera des zoos à chiens. Ouais, c'est ça. Pas le choix. Oh, parlant de zoo, man! Oh! Hier, j'ai écouté Zombie sur Netflix. Un film à 1 étoile. Zombie. Ah oh, oui. Fait que oh, Zombie avec 2 O. Ouais. c'est un zoo genre avec des animaux en voie en danger d'extinction. OK. Des trucs africains genre girafe, gorille, éléphant, des trucs de même, puis un moment donné, il y a des singes qui deviennent zombies, puis qu'ils s'échappent, puis ils rendent les trucs zombies. C'est plein de CG dégueulasse. Mais comment, attends, pas, comment ils s'échappent? Pourquoi que là, ils sont zombies, ils sont capables de s'échapper, puis... Hey man. Genre, tout d'un coup, en plus, c'est genre, ils s'échappent, ils voient qu'ils ont tué du monde, puis là, ils sont comme, vite, avant que ça spread! Mais ils ont même, genre, ils savent même pas s'ils sont vraiment malades ou quoi que ce soit, puis qu'est-ce qu'ils échangent, puis... Ils sont juste comme, tu sais, parce que le nom du film, c'est Zombies, ils savent que c'est des zombies. Ben, ils en ont vu d'autres, eux autres. Ils ont sûrement Netflix aussi. C'est ça. Ah, man, mais pour vrai, je pense, faut que j'aille le downloader pour, en fait, ouais, faut que j'aille le chercher pour prendre faire des gifs, man, puis les mettre sur le post de l'épisode, parce que, man, il y a des bouts, là, c'est des perles. Genre, un moment donné, sont les trois en Jeep. Ouais. Il y en a trois dans un Jeep, 2 en avant, 1 en arrière. Là, ça fait « Oh non !» Là, il crache d'un arbre, puis les trois sont un... Genre, tu vois, comme s'ils volaient en Superman, genre. What? Les trois, un au-dessus de l'autre, puis là, ils tombent en même temps à terre. Ah, oh, mais il y a une scène tellement badass, genre. Il y a une petite fille de 6 ans. Un moment donné, il y a sa mère à côté, elle est dans une salle. Puis là, il y a un koala qui rentre. Puis là, tu sais, elle entend sa petite fille crier, fait que là, elle essaie d'ouvrir la porte, puis c'est long. Là, quand elle ouvre la porte, la petite fille est pleine de sang. Elle a un bat de baseball, genre, qui dégoûte. Puis, il y a le koala pété en deux, genre. Puis, la petite fille, elle a genre 6 ans. Hein. C'est tellement badass. Oh, mais ouais, je vais te mettre... Je vais t'envoyer des gifs. Il y a personne qui a fait des gifs de ça déjà sur Internet. Ben, surprenant. Ça, c'est quasiment triste, ça existe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que penses-tu que ça vaut plus qu'une étoile sur 5 sur Netflix? Non. Ah non, non. Non, non, non, ça le mérite. Ouais. Ça le mérite. 0.5 étoiles, ça se peut-tu? Oui. Je pense que oui. Ouais, je vais faire des gifs, je vais y mettre. C'était la perfection. C'était du vrai bon mauvais film. Avec du acting dégueu. Mais dégueu, pas dégueu genre film porno, là, mais dégueu de... On se croit juste assez pour que ça passe. Genre. OK. Il pensait que c'était meilleur que ça quand il le faisait. Ouais. OK. Genre... OK. Ah, mais le CG, man. Oh. Oh, puis un moment donné, il y a un gars qui tombe. OK. Ils sont en zipline. Ils sont là. Ah non, mais il est pas prêt. Genre, c'est pas, l'attraction est pas correcte. On peut pas l'utiliser. Mais là, c'est tout ce qu'ils ont. Fait que là, ils vont dessus. Il y a 2 fils sur 3 qui lâchent. Mais c'est des gros crises de câble. Genre, en fait, lâcher l'harnais ou je sais pas quoi, mais n'est pas le câble. Genre, parce qu'ils ont pas fini, le corps, pis ils pètent en deux, genre. Pis là, il y a un doute qui tombe, c'est le meilleur bout de CG, man. Oh! Ah, c'était tellement malade. Y'a-tu, moi, Chris, j'ai quasiment envie de commenter là-dessus. Y'a-tu, il doit y avoir un trailer de ça sur Internet? Je sais pas si c'est le mauvais CG, donc ils ont sûrement juste gardé les meilleurs bouts. Attends, le trailer, official trailer. Je vais chercher ça, là. Ah, ça marque tout le temps zombie, hein. Ça marque toujours zombie! Il y a aucune façon de chercher zombie, calice! Je le sais! Man, on a trouvé un genre de bug! Asti, ouais. Ce film-là, c'est clair que. Il est pas trouvable. Tu peux pas marquer zombie. Ok, je vais mais je suis pas sûr que tu vas voir. Ah, zombies! Le début est quand même nice, il y a un petit singe qui arrache les yeux d'une madame. To your first day of your zoology college internship at the Eden. Ah, ils utilisent la fun de Jurassic Park aussi, c'est vrai. Oh man. Anything I should be concerned about? Ah oui, puis le ouais, le singe qui tombe. What? Oh my god. Mais en plus, man, le truc qui fait que c'est comme vite. Faut absolument se dépêcher, c'est genre, c'est pas vrai, ça marche pas, c'est genre, ils ont un aviary, comme il y a plein d'oiseaux, ils sont comme, ah oh, mais si eux ils se font infecter, mais c'est comme, okay, c'est leur parc qui est pas fermé, là. Il y a des oiseaux qui peuvent rentrer de partout, hein. Genre, ok, les aviary sont plus concentrés, là, mais ça change fuck all, là. Puis en plus, c'est en béton, puis en verre, puis ils le font brûler. Qu'est-ce que c'est là? Ah, oh, mais t'as pas vu, là, c'est en basse qualité. En HD, là, c'est mieux. Mais le style de police de Jurassic Park pour le faire en style. C'est un petit peu prétentieux. Ah oh non, mais c'est voulu. À un moment donné, il dit « We're not Jurassic Park! » Oh oui! Combien de Q sur 20? Oh man, c'est un 15, juste le pour les bouts de giffables. Nice, 15 Q. La recommandation de la semaine dans les sobères du caractère mou. Zombies! Ah oh, non, mais non, je vais mettre des gifs, je pense que c'est... Tu sais, faut juste voir les gifs? Ouais, je vais mettre les meilleurs bouts, là, il y en a quand même 4. Mais là, t'es mieux d'en faire pour vrai, parce que t'as mentionné que t'allais faire des gifs comme 30 fois. Fait que si, ouais. S'il y a pas de gifs dans le pause de l'épisode, tu vas voir. Mais nos 40 fans, ils vont chier à terre s'il y a pas leur gif, là. Ouais. Fait que ça va aussi, être... y a rien de... Vas-y. J'allais dire, il y a rien de consistant, genre de... Un moment donné, ils ont comme un système de sécurité, il faut rentrer un code puis ils passent la carte. Comme, quand ils sont pressés, il faut qu'ils rentrent un code. Quand ils s'en crissent, c'est juste la carte. Genre, un moment donné, il faut qu'ils rentrent puis c'est juste, faut qu'ils rentrent point. Fait qu'il fait une swiper sa carte puis ça passe. Genre, mais là, un moment donné, quand il faut qu'elle rentre voir sa fille, c'est comme, pip, pip, pip, pip, tchik. Oh! Puis elle crie à la fois, genre, open! Ouais, ta gueule, c'est pas vocal. Peut-être parce que, tu sais, leur système d'alarme fait en sorte que ça renforce la sécurité des portes. Non. Bon. Je pense pas. Et j'essaie c'est de défendre ton film. Ah, oh, mais c'était du bonbon de mauvais film. C'est... c'était malade. Oh, Chris. Fait que pour voir les gifs à Mathieu, ça va être sur caractèremou.com sur le post de l'épisode. Mais là, je viens de voir de quoi, je peux peut-être le faire live, là. Ben, pas... Ah oui, ça, Chris, fais-le, là. Raconte-nous ben, comment ça se passe. Faire écoutez des gifs. Écoutez ça. Oh, wow! Malade. C'est un bon moment, ça, j'aime ça. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est très bon. C'est le moment préféré aussi à Babu. À la planche! Ouais, il est content, là, il capote. Tu devrais te faire à la planche, genre avec un son de record, là. Ben là, Chris, non, ça va évoquer DJ Jam. Oh non, j'ai mis Madame, Jammy, Jam. Babu pis DJ Jam ensemble, ça serait pas... Non. Hey, non, mais ouais, truc musical, on parlait tantôt d'ironie pis de trucs de même, là, je me suis fait pogner, hein. Genre, j'ai commencé à écouter du rap des années 90 en niaisant, puis... C'est vrai, tu m'as parlé de ça. Oui. Là, je suis accro à ça, man, avec des bouts magiques comme... Scooby-Doo, Wooby-Doo! The Butter on What, c'est What? The Popcorn! Puis, c'était quoi l'autre? Hey, tu peux-tu... Ah, Later Alligator! Tu peux-tu me faire un genre de top 5 de ces phrases-là? Ouais. De me les trouver, puis on va les rajouter au montage après ou quelque chose. Ok, ouais. Ok, top 5, numéro 5. Hey, c'était un bon. Oh! Tabarnak, ça marche pas, mon enfant. C'est con. C'est pas une bonne idée. Ah, mais j'ai tellement chaud dans mes écouteurs, Rasti, on dirait que. Hey, man, il fait tellement chaud. Rasti, la main. Je veux pas le faire sans écouteurs parce que je veux gager un peu comment je m'entends. Ouais. Cipoplette. Ah, cipoplette. C'était un dur affaire à soir avec la connexion qui déconnectait tantôt. Ah, mais je sais pas, mais je trouve qu'à date, on a le contenu le plus dynamique. C'est très dynamique, en fait. Ce qui arrive, c'est que... Non, j'allais partir d'une blague, je l'ai pas en tête. J'ai commencé ma phrase, puis j'ai... À mi-chemin, ça a fait... Non. On dirait que ma tête est partie, puis elle fait l'arrange tout égal. Fuck you! Ah, ça aurait pu être très bon, par exemple. Ouais. Ouais, en tout cas, ouais. Ouais. Hey, c'était le 3 la semaine passée? Ouais. On veut parler de 3? Ouais, c'est ça, c'était le 3. Ouais, on a fini. C'est ça, tout le monde parle de 3. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'as aimé le plus, peut-être? Ah, alléluia. Je m'en souviens pas. Bon, tu sais, je les écoutais en travaillant pendant le jour. J'écoutais les conférences pour toutes ces affaires-là, puis... Ça a tellement passé vite qu'on dirait que là, j'y pense, puis il y a comme rien qui m'a marqué plus que tant que ça. Il y a plein de trucs que je voulais jouer, mais il y a pas rien qui me tuait de pas pouvoir y jouer tout de suite. Ah, attends, ouais. Peut-être un peu Zelda, puis encore, je suis patient, là. J'ai pas fini, j'ai plein de Zelda à finir ici, fait que... Ah, mais ouais, Zelda, ça me fait quasiment peur, man. Avec l'intensité qu'ils ont eu à montrer, puis la grosseur du jeu, là. Je suis certain, man, qu'ils vont faire de quoi de... Faut que t'achètes soit un upgrade sur ta Wii U, ben, que c'est genre deux parties, ou ben... Comme, il va coûter plus cher qu'un jeu normal, je suis sûr, man. Non, ben, je pense plus cher, je sais pas tant que ça, là. Peut-être... C'est sûr que c'est dur à gager en canadien, mais je pense pas qu'il coûte plus que 79, mettons. Là. Ce qui est très cher déjà en partant, c'est un prix de merde, mais... Je sais pas, man. Pour vrai, je pense pas. S'il y a une version plus chère, je pense qu'il viendrait qu'un amiibo ou une cochonnerie. Ouais, là. Je sais pas. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il le développe. Fait que je pense pas qu'il fasse comme un genre de Phantom Pain, c'est quoi, Ground Zeroes, qui avait sorti, tu sais. Ils feront pas une affaire de même, je pense pas. Là. Mais c'était plus dans le sens de... genre... juste comme, vu que le jeu est tellement gros, ça vaut plus cher, hein? Non, je pense pas, parce qu'ils veulent, le vendre aussi. Hein. Ouais, j'imagine. Puis, tu sais, Zelda, ça a beau être un gros nom, c'est pas un immense vendeur quand on regarde les chiffres. Ah hein? Oui, c'est dans les millions de sellers, là, mais c'est pas comme... Oui, ils vendent des millions, mais c'est pas comme les c'est pas des gros blockbusters, genre, c'est pas Mario Kart, pis c'est pas... je me souviens plus des... Dans ma tête, c'est genre le... Ça devait être le... plus payant quasiment. Là, je t'ai dit ça, puis je me souviens plus. Check, mettons. Moment de détente. Prenez une pause, allez pisser. C'est trop ballon. Hein. Ferme ta gueule, dis-moi pas quoi faire. Non, je te dis pas ça à toi, je parle à nos trois fans. Non, regarde, tu vois, Skyward Sword sorti en 2011 sur la Wii, c'est 4 millions. 15. Ben, c'est pas tant comparé à des immenses bugs. C'est pas, tu sais, c'est pas un Call of Duty, pis c'est pas un Mario Kart, pis c'est pas... Mario Kart, combien? Ben, regarde, mettons, Mario Kart, oui. Ben, c'est peut-être pas une bonne comparaison, pis c'était sur la Wii, là, mais tu sais, comme, parle de... En tout, 35 millions. Okay. Puis Mario Kart 8, celui sur Wii U, 6 millions point... En tout cas, ouais, quasiment 7 millions, là. Ouais, quand même. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme pas les... Je sais pas, Twilight Princess en tout, là. J'ai l'impression qu'il aurait vendu plus. Mais regarde, Twilight Princess sur Wii, 7 millions, 1,5 millions sur GameCube. La version HD, même pas 1 million sur okay. Wii U. Wind Waker. Checkons ça. 4,6 millions sur GameCube, 1,6 sur Wii U. Okay. Tu vois, Oui, ils font des chiffres corrects, mais je pense que c'est pas des... C'est pas les plus gros blockbusters, là. Ouais, c'est vrai. Puis juste pour le fun, Call of Duty, Black Ops 3, combien? J'ai remarqué Call of Duty, ça va sûrement les donner. C'est sûr que là, on parle d'un jeu sur une console plus niche versus un jeu qui est sur toutes les fucking consoles qui existent. Mais ça m'intrigue quand même. C'est pas une bonne comparaison. Faudrait peut-être comparer qu'un exclusif, là. Mais mettons, quel tu me dis, Black Ops 3? Ouais, le dernier qui est sorti. Ben, Black Ops 3, regarde, mettons, tu sais, juste sur PS4, 13 millions... Puis sur d'autres plateformes, Xbox One, 7 millions. Chris, il y a un gros gap, pareil. Pour que la Xbox a été longtemps la console officielle un peu de Call of Duty, là, ça a vraiment switché. Ben là, ça a switché et c'est rendu sur la PS4. C'est vraiment, C'est PS4 qui ont les avantages. C'est drôle de voir à quel point ça a switché. Puis à part ça, mettons, Black Ops 3, tu sais, 1,7 millions sur PS3 puis Xbox 360 aussi. Okay. Fait que tu sais, en tout, on parle de quoi, 25 millions à peu près? Ouais. Mais tu sais, il faudrait peut-être comparer avec un exclusif, là. Mettons, quel exclusif qui était sorti à peu près en même temps que Zelda? Ouais, Last of Us, mettons. Pas un bon exemple, mais... Juste, ouais, c'est un esti de bon jeu. Ben c'est ça, c'est pas, pas le meilleur exemple, juste curieux de voir. Ah, ben tu vois, gars, Last of Us sur PS3, 6 millions. Okay. Puis 4,3 sur PS4. Ah. Mais tu vois, Zelda, c'était moins que ça, pareil. Ouais. C'est pas... Fait que, tu sais, là, c'est beaucoup d'années de travail, puis ils visent big en tabarnak. Ouais, fait qu'ils ont pas le choix de... Ouais. Puis il y a pas le choix qu'ils se vendent, mettons. Ouais, mais c'est le genre de jeu que, à ce prix, comme plein prix, ça vaut la peine, là. Dans ça, c'est... Ça a pas l'air comme Alfast. Non, c'est ça. Puis tu sais, ils ont. Qui est là d'avoir tout le contenu qu'il faut. Ça a l'air qu'il y a toute la team Monolith Software, c'est ça leur nom? Ceux qui font Xenoblade? Toute la team, elle les aide là-dessus. Puis sont. En tout cas, sont en bonne main. Là. Genre, ils mettent tout là-dessus. Ouais, c'est comme. C'est pas juste une petite portion de leur équipe qui font comment on va aider avec leur. C'est comme toute l'équipe là-dessus. Puis je pense que ça paraît un peu parce que le jeu a un feel un petit peu. Un peu plus différent que les autres Zelda, puis ça paraît, là. Ouais. c'est correct. Je pense que c'est le temps qui shake un peu les affaires. Hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Mais à part de un peu d'effort pour vrai. Oh! Non, je pense qu'il y avait de l'effort, mais je pense qu'il était... Mais non, mais il met tout le temps tout sur le polish, puis jamais sur le contenu. C'est ça, peut-être pas. Ben, tu sais, les donjons restent bons, mais comme Skyward Sword, Chris, l'intro, c'est quoi? C'était 5 heures, Rusty, ouais. Avant que tu commences à jouer pour vrai. Ok, ouais, si on parle juste des Zelda, ouais. Mais ok, tu parles de Nintendo? Oui, ouais, ces temps-ci, c'est ridicule. Ils sont bipolaires, ces jeux, man. Ouais, genre, je comprends pas que dans la même année, ils sortent un Splatoon puis un Mario Maker qui sont comme des jeux géniaux puis super bien faits. Puis fucking le pire Mario Tennis de l'univers, qu'il y a pas de contenu. Puis fucking Amiibo shit de Animal Crossing, de ce petit jeu plate que... pourquoi ça vend pas? Ben parce que ton jeu, il est fucking plate, asti. Ouais, c'est ça. Calice, en tout cas. Mais à part de ça, le 3, qu'est-ce qui... je suis curieux de... Ben, God of War. Ouais, ça, je suis curieux. Mais ça... J'ai pas... moins. Ça m'a pas... j'ai trouvé ça nice, mais comme je peux attendre avant de jouer, puis ça me... OK. Last Guardian. Ça me fait rien, man. Ah, ouais? Ça me laisse de glace, là. Eh, man, mais je suis certain que je vais pleurer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que la grosse affaire meurt à la fin ou quelque chose de même. Ben oui, c'est sûr. Mais man, qu'est-ce qu'il y avait? Je me souviens même pas. Ouais, moi non plus. Du VR en masse. Ouais, ça, man. Tout ce qu'ils ont montré de VR, là, ça m'a tellement rien fait. Comme, tu sais, je comprends que les compagnies sont un peu froides à l'idée de mettre trop de ressources sur un jeu de VR, mais tu sais, tout le concept de « Ah, ça va être une expérience VR, fait que c'est un jeu... » d'une heure qu'on a développé vite sur le bord de la table pis qu'on s'en collait avec des visages. Ouais, ça m'énerve, c'est comme... là. Genre, si maintenant j'achète un casque pis je paye, je sais pas, 500-600$ pour mon setup, avec mes manettes pis tout mon shit, pis là, 50 jeux à la sortie, ben, c'est juste des hosties de merde de même que dans une après-midi, j'ai tout essayé, pis des hosties de jeux plates, des jeux indie mal chiés que tu vois qu'ils sont chers juste parce que c'est des jeux VR, là. Ouais. Moi, ah, non, c'est pas... J'ai pas rien vu en VR que j'ai fait comme... Il y avait une affaire qui me faisait rire, c'était dans l'espèce d'event qu'il avait fait pour les jeux PC. Mm-hmm. Comment ça s'appelle? Giant Cop? Je sais pas trop, t'es comme une grosse police, puis t'es comme une police géante dans une ville, puis tu peux surveiller le monde, puis tu peux je suis pas trop sûr du gameplay, mais j'ai fait comme, ça me tente, je suis curieux. Mais c'est ce jeu qui m'a fait comme, je voudrais l'essayer, je comprends pas, je veux voir. Mais c'est tout des... Ça file tout comme des trucs de Game Jam, là. Ouais, c'est ça. Ou des tech démos, des trucs comme... Ouais. On a une bonne idée, puis on étire cette bonne idée-là sur une heure et demie, t'sais. On n'a pas pensé à... OK, sur une heure et... Sur qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée-là de plus que juste l'étirer pareil pendant ce cas. C'est toujours beaucoup trop de passion, pas assez de talent, là. Ouais. Je sais pas. Mais en même temps, je pense... T'sais, les compagnies sont frileuses de pas mettre plein de ressources, puis c'est normal, mais c'est parce que le défaut que ça va faire, c'est que ça va peut-être tuer le train de ça avant même que ça parte, là. Ouais. T'sais, c'est juste ça. T'sais, ça prend des gros jeux flagship. J'ai trouvé ça cool que Fallout 4 annonce que oui, on va être jouable au complet. On va être jouable au complet sur ces affaires-là, puis sur ces plateformes-là. Comme, ok, nice, oui, enfin, t'sais, il y a une compagnie qui est back, puis c'est correct, puis ils font la bonne décision. Puis en fait, j'aurais aimé ça en voir peut-être plus de ça. Juste, même si on n'a rien vu de ça ou qu'ils ne pouvaient pas le montrer à l'E3 ou quelque chose, mais juste quelque chose qui font comme, oui, Chris, on va patcher nos jeux, puis certains de nos jeux vont être en VR, puis on va essayer ça tranquillement, puis on va tester les eaux, voir, puis après ça, ça va influencer comment qu'on va, après ça, gérer nos prochains projets, ou en tout cas. C'est comme, dans la conférence de PS4, il y avait un bout qui montait des trucs de VR... Puis tout de suite après, c'était déjà plus des affaires de VR, puis c'était plus clair qu'il y avait déjà une distinction entre les deux. Là. Ils ont juste montré. Ouais, ils ont switché à Call of Duty tout après. C'est pour ça que j'ai réagi genre, oh shit, parce que c'était genre le premier jeu de VR qui avait pas l'air du cul. Ben c'est ça, sur le coup, j'ai fait comme, ah Chris, c'est Call of Duty. Chris, Call of Duty, ils sont-tu dans le VR? Genre, ça, quel bon move, c'est ça qu'il faut. Puis évidemment, il n'y a aucun mot là-dessus. Ah non, Callis, là. Ça sert à quoi? Ils ont même pas éclairci, ils savaient très bien. Ouais, mais, parlant de trucs pas clairs, hey, le call à Crash Bandicoot, là. Ouais. C'est jouer avec les émotions du monde, hein. Ouais. Tune de Crash Bandicoot qui, contexte, tune de Crash Bandicoot qui part, sur le stage de du truc de Sony avec Crash Bandicoot, le dude fat, que je me souviens pas de son nom, Il y a un mince pis un fat. Le fat avec la barbe, il rentre. Ouais. Là, il fait comme... Hey! Là, la toune de Crash part. Là, la caméra tourne vers la foule. Tout le monde capote. Tout le monde s'arrache les cheveux. Tout le monde crie. Ah! Pis le monde pleure quasiment. Si tu entends la toune de Crash Bandicoot, je pense que c'était celle du 3, là. Pis il dit comme... Hey! Crash Bandicoot... il dit-tu le remaster avant? Ouais, oui, okay. Il parle du remaster. Fait comme, hey, on va avoir un remaster de... 1, 2, 3. Ah, pis il est dans Skylanders! Ouais! Pis là, le trailer de Skylanders part. Oh, what? Ouais, c'est ça. C'est comme, je pense, le pire, je pense qu'il aurait peut-être été mieux de pas faire cette entrée-là avec la toune, de montrer le trailer avant... De le faire après, pis là, il dit comme, en plus de ça, on a les remasters. Là, ça aurait fait comme, oh, nice! T'sais, ça aurait pas fait comme, oh, nice! Hein? Ah! C'est quoi? Ouais. Il y a quelque chose... Je comprends pas comment ils calculent ça, ces affaires-là. Tu sais que le monde va être rageux du cul. Personne dans son siège fait comme, yes! Skylander, man! Nice! Mais surtout que c'est en train de mourir, il me semble. Ça se peut, man, parce que, en tout cas, tu sais, on en parlait il y a une couple de semaines, mais tu sais, Disney s'est enlevé de la course de ces jeux-là. Ouais, exact. Fait que les Regis Calendar, pis les Amiibo, pis le jeu de Lego présentement, là. Ouais. Dans les jeux de. Avec les jouets. Toy to Life, merci. À part de ça, dans la conférence d'Xbox, c'est-tu quelque chose? Non, conférence d'Xbox, non. Je suis sûr que j'avais de quoi. Parce que, en tout cas, il me semble dans. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Je me suis même plus. Il y avait rien de... Il y a Gears of War qui était long, hein. Fuck, man. C'était juste cool qu'il y avait plein de choses qui partaient au vent, mais c'était tout. Dans la conférence d'Ubisoft, il y avait le jeu de South Park. Oh, c'était gros malaise tout le long, man. La présentation était à chier, mais mais les vidéos m'ont quand même fait rire, puis c'est sûr que je vais jouer à ce jeu-là. Mais ouais, je sais pas, je comprends pas, l'année passée, ils ont fait de quoi que Matt Stone puis Trey Parker sur scène... Super bien accueilli, les deux gars étaient rapides, ça s'est bien passé, ça avait pas un timing bizarre. Puis là, tu vois qu'ils ont essayé de faire ça comme, ben là, on a 2 heures à remplir, je sais plus combien de temps ça durait, mais comme ils ont étiré la sauce, man, genre, pis ils sont assis sur un divan avec le gars d'Ubisoft, je sais pas c'est quoi son nom, puis là, super malaisant, on a fait ça, puis on monte un... Ils ont pas l'air trop sûrs de ce qu'ils vont dire, ben de ce qu'ils ont le droit. Ou... Non, c'est ça, puis c'est ça qui est plate. Tu sais, t'as ces deux gros noms-là, genre, t'es utilises tellement pas bien. Ouais, c'était wack, ça. Il y a eu plein de cringe. Ouais, ben en général, c'est un peu ça, là. Ouais. Surtout cringe, Nintendo, là... j'ai essayé d'écouter les streams en travaillant, en me disant comme, tu sais, à un moment donné, ils vont peut-être montrer quelque chose. Mais tu sais, comme, man... Je comprends le principe de on travaille à Treehouse, on fait les traductions, on est tous des amis, genre, mais non, la façon qu'ils montrent comme les filles qui sont trop bubbly puis over cute avec les gars qui ont trop de l'air tout le temps contents comme oh my god, oh Luigi, it's my favorite, oh my god, oh my gosh, oh my god, boo, oh my god, boo, wow, so cute, boo. Oh fantaïe. c'est ça de la journée, là, l'espèce de. Tu sais, je comprends pas à qui ça s'adresse. Oh non, ben, à des plus jeunes. Mais c'était pour ça mon commentaire d'un moment donné, ils vont runner out de nostalgie. Hein. Je pense que c'est là qu'ils sont comme, bon, ça marche plus, il va peut-être falloir caterer à du monde plus jeune. Ben, ça, Nintendo va toujours le faire. Je pense qu'il faut parce que tu veux te. Ouais. Tu sais, tu veux attraper ces. Attraper, ouais. Ben, quand même. Attraper ces jeunes-là. Puis les mettre d'une vanne, puis les... Non, mais t'attraper ces jeunes-là pour que dans les années à venir, ça t'assure comme au moins une portion de ces gens-là qui font comme... Ouais. C'est le fun, quand j'étais jeune, je veux continuer à jouer à ça, tu sais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que là, tout ride sur ça d'avant, genre, fait qu'il faudrait qu'à un moment donné, ils recréent ça. Non, c'est ça, tout le monde est rendu vieux, puis les jeunes connaissent le moindrement... Tu sais, vont connaître Mario, puis connaissent le moindrement les jeux Nintendo, mais ils sont tous sur mobile, genre. Ouais. Puis, tu sais, leur entrée sur mobile à Nintendo, pas extraordinaire. Là. Mitomo, c'est. Ça laisse à désirer. Pis ça m'énerve, ça, man. C'est comme. C'est pareil que si, genre, t'es élevé au fast-food, puis c'était ça pour toi la cuisine, là. Ouais. C'est pile, ça. C'est vrai. C'est fait pour que c'est rapide, c'est cheap, puis c'est, genre, paye. C'est ça, j'ai tellement de la misère avec ces. La plupart des jeux mobiles, puis là, j'ai même pas tout dans le même pain. Pain, pourquoi je dis ça? Met tout dans le même pain? J'ai pas. Gilles. Tu vois, panier? Mais tout dans le même. Un pain de. Mais tu sais, c'est comme un amas de trucs, j'imagine? Ah ouais. Petit panier en pain, ouais, ça, ok. C'est comme un pain de viande. Mais tu sais, en tout cas, j'aime pas les jeux free-to-play. J'aime. La plupart des jeux mobiles, que tu vois qu'ils sont faits pour exploiter une partie de ta tête. Ouais, c'est ça. Il y a pas, tu sais. Ma mère, elle joue tellement beaucoup sur Facebook. Puis souvent, elle m'en parle de ces jeux. Puis elle va me dire, à un moment donné, tu sais, comme une affaire comme. Oh, t'aimerais ça ces jeux-là? Je comprends pas que tu joues pas sur Facebook comme. Non, je préfère jouer à des vrais jeux qui respectent mon temps. Ouais, c'est ça. Puis que, tu sais, c'est pas juste que, là, faut que j'envoie des invitations à 13 de mes amis si je veux une carotte dans ma ferme. Puis que ma vache mauve, si je réponds pas là, je vais en manquer. Puis que là, j'ai tout fait mes levels dans lui, mais là, j'ai plus d'énergie. Fait que faut que je recommence au premier avant de pouvoir continuer dans 24 heures. Ou je n'achète, c'est comme. Ah, non! Tout est malsain. Si je veux jouer là, puis je veux jouer 3 heures de temps, je veux jouer 3 heures de temps. Si je veux jouer 15 minutes, je veux jouer 15 minutes. Fuck it. Mais je sais pas, moi, les limites de temps, j'ai pas de problème, genre. Parce que des fois, ça t'aide à vouloir jouer, genre. Parce que t'es comme, j'ai vraiment aimé ça, puis je voudrais rejouer, puis en même temps, c'est un moyen comme de pacer le contenu. Si ton jeu est bon, je pense que c'est correct si tu le donnes gratuit en plus. Hein. Mais au moins, au pire, t'as soit un moyen de payer pour enlever la limite ou. Des fois, c'est juste bien utilisé, ça me donne rien que le goût de revenir. Ouais, j'imagine qu'il y a une bonne façon de l'exploiter et que ça fonctionne. Mais là, j'ai pas d'exemple. Toi, tu passes à jouer à quelque chose récemment qui marchait bien à ce niveau-là ou? Ah, pas vraiment, non. C'est juste des fois, il y a des jeux que c'est comme, c'est quand même fun, je vais rejouer 2-3 fois, puis la limite de temps fait que je suis comme, oui, j'ai le goût de rejouer, mais. Mais là, c'est vraiment arrivé que tu as joué un jeu de même ou c'est dans une utopie que tu t'es faite? Non, non, non, non, non, ça m'est arrivé pour. Hey man, je m'en rappelle même pas, ça fait longtemps. Dead Trigger? C'est un jeu mobile, ça? Ouais, ouais, c'est un jeu de zombies. Okay, de moi, okay. Dead Trigger. Je me souvenais pas. Ouais. Ouais, mais non, mais. Ok, j'avoue, c'est peut-être jamais bien utilisé. Il y a sûrement un autre jeu qui me tentait de l'E3, man, je me souviens pas. Ça m'écœure de pas m'en souvenir. Ah, ils avaient annoncé, ils ont sorti pendant l'événement Nintendo le nouveau Rhythm Heaven sur 3DS. Ah ouais, qui est comme, c'est ça, exact. Il est 29,99 au US, tu vas au Canada, 42$. Oh, tabarnak. Mais tu sais, comme, j'étais une grosse pute à ces jeux-là. Les Rhythm Heaven, pour ceux qui n'ont pas joué à ça, c'est genre des. C'est un. Ouais, là, j'allais dire, c'est un WarioWare musical. Là, si vous n'avez pas joué à WarioWare, ouais, en tout cas, là, chercher sur internet, là, rendu là. Ouais. Mais tu sais, puis il y avait un jeu qui est sorti. Le premier de la série des Rhythm Heaven n'était pas sorti aux États-Unis. C'était juste sorti au Japon. Puis on a eu, après ça, qui était sur Game Boy Advance. Après ça, on a eu lui sur DS, lui sur Wii. Puis là, ça, c'est le quatrième. Puis dans le fond, le troisième pour nous autres. Puis celui-là, c'est plus une compilation des trois autres. Fait que ça inclut des jeux de la version japonaise qu'on n'a pas eu. Fait que c'est cool. Pour ça, parce que ça permet d'amener certains mini-jeux qu'on n'a jamais joué, puis bref. Mais, ouais. Je suis une pute à ces jeux-là, mais man, je le sens pas, celle-là. Ah ouais? J'ai joué, je suis rendu peut-être au cinquième monde. Je le sens fucking pas. Mais genre, tu te sens pas dans le sens, t'embarques pas? J'ai vraiment capoté sur les deux autres. J'ai fait le tour deux fois de lui au DS. Okay. J'ai joué beaucoup à lui au Game Boy Advance sur émulateur, puis sur une carte flash sur ma DS après. J'ai joué pas mal aux deux, puis c'était des jeux que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai joué un peu celui sur Wii, mais je l'ai pas acheté, fait que je l'ai pas. J'ai jamais pris le temps de plus jouer plus que ça. Mais il y avait de la fun de ce que je voyais. Mais comme lui, Chris, je sais pas, on dirait, c'est bizarre en plus, parce que c'est un best-of de tous les meilleurs jeux, puis on dirait qu'ils ont changé un peu les tunes. Fait qu'ils sont comme moins catchy, ou il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose de off, puis je comprends pas, puis je lisais un thread sur un forum pour voir si j'étais le seul, puis Chris, je pense que je suis le seul. Tout le monde avait l'air comme dire comme oh my god, Game of the Year, comme ça fait du bien de retourner en série, c'est qui est bon, genre c'est le meilleur, comme je comprends pas. Peut-être je suis dépassé, puis ou peut-être je suis pas dans le bon mood pour jouer à ça. Mais tu sais, pour décrire la série, c'est un peu ça. C'est un jeu de musique un peu wacky avec des styles d'affaires random, puis chaque jeu, c'est mettons 2 minutes de niaiserie. C'est un dude qui kick des ballons, je sais pas quoi, puis c'est tout le temps tamé sur une musique avec des cues sonores un peu ridicules. Pis c'est souvent juste le contrôle, c'est souvent juste tu pèses sur A, puis il faut juste tu pèses sur le A, c'est le bon moment. C'est vraiment le fun, c'est vraiment catchy, mais en tout cas, lui, j'imagine si c'est ton premier jeu, ça doit être écœurant parce que ça doit être, c'est super frais. C'est peut-être parce que j'ai trop joué aux autres, puis lui me fait rien, je sais vraiment pas. Je vais continuer à jouer, mais ils ont changé le principe aussi que dans les autres jeux avant. T'avais à chaque monde, entre guillemets, t'avais un. La fin, ça finissait par un genre de remix. que c'était toutes les tunes de ce que tu viens, mettons les 4 tunes que tu venais de faire, mais dans une tune. Fait que t'avais les 4 gameplays de la tune ensemble. Ouais. Puis c'était tout le temps ça. Dans lui, sur Wii aussi, c'est ça. Puis dans lui, il y a pas ça. Fait que tu finis ton monde, tu fiches le finir. On dirait que ça manque de. Il y a comme pas un climax que tu veux qu'il aille avec toutes les tunes. Ouais. C'était les meilleurs bouts, les remixes, que tu switches d'un gameplay à l'autre. C'est super dynamique. Puis là, des fois, c'est fourrant parce que les règles changent entre chaque tune. Mm-hmm. Puis là, t'as pas ce côté-là. Puis c'est vraiment weird. Je comprends pas. Peut-être que t'es débloqué plus tard. Peut-être qu'il y en a juste pas. Puis aussi, il y a étrangement beaucoup de dialogues. Il n'y a pas de dialogue dans cette série-là. D'habitude, ça te parle un petit peu pour t'expliquer des affaires ou pour dire des affaires un peu random. Mais là, t'as comme l'histoire, c'est que t'as un dude qui tombe du ciel. Puis là, il veut se rendre à quelque part. Puis là, chaque monde, c'est qu'il rencontre un personnage un peu fou. Genre un dude qui fait comme « Moi, j'aime les bangs! » Ouais, puis à part de ça, moi j'aime les bangs. Veux-tu m'aider à retrouver mes bangs? J'aime les bangs, ils sont si beaux. Puis là, tu fais les deux. Ah, oh, merci mes bangs, merci. Tu sais, mais c'est long, genre c'est peut-être 20 boîtes de dialogue de j'aime les bangs. Les bangs, c'est ma vie. Tu sais, y a pas de cutscene. Tu sais, je vois juste un dude. Tu vois juste l'icône du dude qui parle. Après ça, l'autre icône de l'autre dude qui parle. Puis tu sais, c'est quand même bien écrit pis cocasse, mais ça a pas rapport, là. Je m'en calisse. Pis y'a même pas d'anime ou d'image de cutscene, en tout cas. Bref, Rhythm Heaven Megamix, je pense qu'il s'appelle, sur 3DS, fucking 42$. Sérieux, si vous êtes curieux pour cette série-là, peut-être essayer de trouver lui sur DS, qui doit vraiment pas être cher. Il doit être genre 10$ usagé à des places. Celui-là, il est écœurant. Je le conseille absolument. Il est vraiment sa coche. Mais je sais pas, lui, quand, je sais pas, je suis déçu. Je suis aussi déçu que l'album de Rick Astley, Carlis. La leçon d'aujourd'hui, les autres étaient meilleurs avant. Pour finir en beauté, t'as-tu des questions Yahoo? Ben j'en ai une, elle est un peu plate. Bah ok, go! Yahoo! Oh shit! Nice, vu qu'on enregistre le dimanche, puis que aujourd'hui c'est la fête des pères, la question est un peu à thème. Penses-tu que tu dois de l'argent à tes parents pour t'avoir élevé? Nope. Ouais, moi non plus, je pense pas, mais je pense qu'il y a une certaine importance à être un peu reconnaissant. Ouais, non, c'est ça. Pas prendre ça, pas prendre ça pour acquis ou. Ouais, pas le bon choix de mots, mais. Dans ma tête, c'est aussi un. Non, faut pas que tu redonnes, mais en même temps, si tu redonnes pas, demande pas à tes enfants d'en redonner, genre. Ouais. Tu sais aussi. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, dans le fond. C'est une question de respect, je pense, j'imagine. C'est pas mieux non plus, mettons, que le parent s'attende à ce que ça y revienne. Ouais, c'est puis ça. Puis tu sais, qu'il force un peu à leurs enfants comme un peu quasiment menace. Ben là, j'ai fait ça toute ta vie. Ouais. Il va falloir que tu fasses ça pour moi. Hein, mais il y a ça, des c'est... parents qui le voient de même. Ouais, non, mais ça, je pense que c'est pas la bonne façon de le voir pendant tout. Là. Ouais. Il y a des gens, il y a des personnes qui travaillent avec mon père qui, genre, 18 ans, ils ont mis les enfants dehors. Genre. Va-t'en, j'ai pu à t'élever. Ouais, je suis pas nécessairement d'accord. En même temps, c'est eux autres qui décident, rendu là. Puis c'est peut-être, à la limite, s'ils sont de même, c'est probablement mieux qu'ils partent. Ouais, j'imagine. On s'entend, mais... Ouais. Ouais, j'étais vraiment chanceux là-dessus, fait que c'est... Ouais, je sais pas, cette question-là serait peut-être plus intéressant à poser à quelqu'un que... Quand qui a pas été chanceux. Pas nécessairement chanceux. Ouais, qui a pas été chanceux ou qui a une relation un peu plus compliquée que ses parents. Là. Ouais. Moi, ça va comme trop bien, fait que je vais toujours, ouais, je vais toujours être reconnaissant, mais je sais pas comment répondre à ça. Non. Y a pas une valeur monétaire à ça. C'est pas comme dans l'épisode de Real TV que Fred, il commence à faire des comptes à sa mère, puis que là, après ça, sa mère revient sur lui, puis elle fait des comptes pour tout ce qu'il a payé dans sa vie. Mmh. Là, ça finit une belle morale pour les jeunes enfants d'aujourd'hui. Real TV, tu te souviens-tu que le premier épisode, il y avait des rires en canne? Oui. Qu'est-ce que ça m'écœurait? Ah, oh, mais moi, ça me tue automatique. Genre, finis par m'habituer si c'est bon, mais pas dans ce cas-là. Genre, t'avais Sébastien, qui était Antoine Mongrain, que Sébastien de Réalité. Ouais. Et là, il est dans la roulotte, il prépare une capsule. Et là, Fred, de revenir, avais-tu en... chef cuisinier, whatever, là, puis avec un truc de viande, puis là, il fait comme hey, « j'ai de la viande », puis là, Seb, il fait « oh, voyons, qu'est-ce que tu fais avec ta viande », là, il fait « ben là, je reviens de chez Steak en gros, puis là, je m'en vais au palais de la patate, là, puis là, oh, ok, là, puis là, Là, ah, c'est ça. Seb de réalité. Seb de réalité. C'est leur nom de famille. Ouais, de réalité. Seb de réalité. Là, pendant que Fred de réalité s'en va, Seb de réalité, il essaie de réparer son VHS parce qu'il mange les cassettes. Fait que la scène finit que Seb de réalité prend le steak à Fred de réalité, puis il le met devant le VHS, puis il dit « T'as-tu encore faim? » C'est malade. Puis ça, il y a des rires en canne. Chris, de... ça, ce show-là, là, c'était-tu moi ou c'était pas bon? Je pense que c'était toi, mais moi, c'est un chef-d'œuvre dans ma tête. Ok, mais... c'est bon. Parce que tous tes personnages m'énervaient, là. Ah, moi aussi, j'ai pas aimé ça. On dirait qu'ils ont pas compris que le monde y aimait l'émission parce que c'était des... Tu sais, à la réalité. Là. Non, c'est ça! Exact, c'est toujours ça que je me suis dit aussi. Ouais. Tu sais, que tout le monde faisait comme « Hey, on veut une émission d'une demi-heure de ça, c'est pas assez, les capsules entre les émissions. Ok, on va faire un sitcom. » Non! C'est ça, non! Non, on veut une demi-heure des capsules, vous êtes intéressants, arrêtez, calice. Ouais. Ah, ils ont fait ça avec Air Force en plus, c'était rendu une demi-heure, je pense, à la fin. Ouais, c'est ça. Ils ont compris à Air Force. Air Force. Ah. Mais juste mini plug de... Mais c'est pas une plug. Mini truc de Air Force. À un moment donné, il y avait une capsule. C'est la capsule que j'haïs le plus au monde. Ils sont allés chez une fille que la question qu'ils ont demandé, c'était comment ils font pour filmer des miroirs d'un film qu'on voit pas les caméras. Ouais. Ils sont allés chez la fille. Okay. Ils ont dit bonjour fille, là, on va t'emmener devant un miroir, tu as un miroir chez vous. Ils la mettent devant le miroir, puis là, tu sais, là, tu vois la caméra dans le miroir, puis là, Antoine de Air Force. Antoine de Air Force demande au caméraman, ok, là, tasse-toi. Puis là, il dit comme voilà, tu vois, maintenant on voit plus la caméra. Puis elle, elle dit comme ben moi je le vois encore. Oh mais non, mais. Ce que tu vois dans le miroir, c'est pas ça qu'il voit à l'écran, là. T'es-tu conne? Ah, pourquoi ils sont allés chez eux? Elle comprend même pas. Ah, ouais, c'est jeune, c'est normal, mais tu sais. Je suis encore accroché là-dessus, ça me fait chier. On mange la merde, là. Force-toi, tu passes à la télé. Tu sais, ils sont pas venus chez nous, moi, Air Force. Il est pas venu chez nous, moi, Jean-François Harrison d'Air Force. Ouais. Il est pas venu me toucher. Ok, je pense que c'est la note de fin. Hey, non, la note de fin, tu sais quoi? Si. Non, c'est... Nice. Ah oui, ouais, ça se peut que la semaine prochaine, on commence à sortir le mercredi. Ah ouais, c'est vrai, on a parlé un peu tantôt. Parce que avant notre journée d'enregistrement, c'était plus le vendredi. Là, c'était un peu devenu le dimanche, mine de rien. Ouais. Je pense que ça va rester le dimanche pour du moins un petit bout. Fait qu'on va juste reporter la sortie à mercredi. Mais pas cette semaine, parce que là, si on le dit, puis là, on y sent... En tout cas, ouais, c'est ça. Je pense que c'est clair, là. Bref, je pense pas qu'il y ait personne qui se réveille le mardi matin encore, qui fait comme « Chris, j'ai hâte à mon épisode des sobères », tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, le nouveau sobère et hop. Là, tu sais, il y a pas personne qui va... Tu sais, le mardi, fait comme « Damnard, il est où mon épisode des sobères, man? » En tout cas, aussi, on se renomme les sobères. Ouais, oui, exact. Mais, parce que ça fait plus distingué. Ouais. Les sobères. Les sobères. Ben! Oui!